J'ai pas vu venir la nuit, ni les ombres qui passent. On m'a dit que celle-ci porte conseil si seulement je dormais. 4 heures du matin, cette musique me dit rien et je ferme les yeux. On est déjà demain, j'ai essayé en vain. Sommeil, je fatigue. La nuit blanche m'offre ses pensées noires et le vide occulté en plein jour, éclairé en pleine nuit. Insomnie, insomnie. Oh, insomnie, la ville dort. Je vois les ombres comme des corps. Oh, insomnie, comme des corps. Et d'ici tout semble mort. J'suis pas là, j'suis partie, j'me balade et j'ai froid dans Paris. Sa magie, ses angoisses, à quelques larmes de toi. J'me dis que c'était pas lui, que c'était pas moi. Le ciel gris, les orages, quelques griffes nous survivent dans ton dos. C'était la dernière fois. Sommeil, je fatigue. La nuit blanche m'offre ses pensées noires et le vide occulté en plein jour, éclairé en pleine nuit. Insomnie, insomnie. Oh, insomnie, la ville dort. Je vois les ombres comme des corps. Oh, insomnie, comme des corps. Et d'ici tout semble mort. Insomnie, la ville dort. Je me sens seule, tout semble mort. Insomnie, jusqu'à l'aurore. Même un cauchemar vaudrait de l'or. Alors je pense, mais je pense à quoi? Je pense que j'assume pas. Je pense trop dans ces cas-là. Et je pense mal, je pense, mais je pense à quoi? Je pense que j'assume pas. Je pense trop dans ces cas-là. Et je pense mal, si mal, si mal. Insomnie, la ville dort. Je vois les ombres comme des corps.